Doucher se dit duchar. D-U-C-H-A-R. Et pour se doucher, on a ducharse. Comment diriez-vous alors, en utilisant con agua fría, pour dire avec de l'eau froide, il n'aime pas se doucher avec de l'eau froide? No le gusta ducharse con agua fría. Ojo, attention. On a bien no le gusta ducharse con agua fría. Vous avez entendu le C après duchar? C s'accroche à la fin de l'infinitif. Mais si le verbe est conjugué, C ou un autre mot comme me, te ou nos se placera devant le verbe. Regardons cela de plus près, vu que beaucoup de verbes se construisent avec C. On dit que cette utilisation est réfléchie, car le sujet du verbe est à la fois celui qui fait l'action et celui qui la reçoit. Par exemple, dans Carmen se douche, Carmen est à la fois l'auteur de l'action et celle qui reçoit l'action. Mais ne vous attardez pas sur la théorie. Ces verbes fonctionnent à peu près de la même manière en espagnol et en français. Par exemple, despertar, D-E-S-P-E-R-T-A-R, signifie réveiller. Et despertarse, se réveiller, toujours avec le C qui se soude au verbe à l'infinitif. Donc, comment diriez-vous en utilisant temprano, T-E-M-P-R-A-N-O, pour tôt, hier, je me suis réveillé très tôt. Ayer me desperté muy temprano. Ayer me desperté muy temprano. On a utilisé le passé sans plongeoir car l'action s'est produite à un moment bien précis du passé et ce moment n'a plus aucun lien avec le présent. Et comment diriez-vous en utilisant le passé sans plongeoir? Nous nous sommes réveillés. Nos despertamos. Nos despertamos. Et dites-moi, ils se sont réveillés. Se despertaron. Se despertaron. Avec la forme réfléchie, on utilise les mots me, te, se ou nos. Ces mots se soudent au verbe s'il est à l'infinitif, mais s'il est conjugué, ils se placeront devant le verbe. Voici un autre exemple. Si « asseoir » se dit « sentar », S-E-N-T-A-R, et « s'asseoir », « sentarse », traduisez-moi en utilisant le passé sans plongeoir « je me suis assis » ou « je me suis assise ». Très bien, « me senté ». Et comment diriez-vous « ils se sont assis » ou « elles se sont assises » ? Se sentaron. Et si se lever se dit levantarse, L-E-V-A-N-T-A-R-S-E, comment diriez-vous? Nous nous sommes levés et nous sommes sortis. Nos levantamos y salimos. Nos levantamos y salimos. Dans ce cas, on dirait plutôt en français on s'est levé et on est sorti. Lorsque « on » signifie « nous », on utilisera en espagnol la même forme que l'on vient de voir avec « nos levantamos y salimos ». Et si « laver » se dit « lavar », L-A-V-A-R, comment dit-on « se laver » ? C'est ça, « lavarse ». En espagnol, « se marier » se dit « casarse ». C-A-S-A-R-S-E. Pensez à « se caser » en français. Comment diriez-vous alors? Antonio et Maria se sont mariés. Antonio y Maria se casaron. Antonio y Maria se casaron. S'habiller se dit « vestirse ». V-E-S-T-I-R-S-E. Remarquez d'ailleurs que l'on dit aussi « se vêtir » en français, avec un accent circonflexe sur le « e ». Cet accent circonflexe, comme on l'a déjà vu auparavant, est la marque que l'on disait autrefois vestir en français. On retrouve d'ailleurs cette forme dans vestimentaire. En utilisant deber pour devoir et vestirse pour s'habiller, dites-moi, je dois m'habiller maintenant car il est tard. Coupons la phrase en deux. Traduisez d'abord, je dois m'habiller maintenant. Debo vestirme ahora. Debo vestirme ahora. Car il est tard. Vous souvenez-vous de tard? Il suffit d'ajouter un petit e à tard et on obtient le mot espagnol. Donc, car il est tard, se dirait. Bien, porque es tarde. Donc, de nouveau, traduisez-moi. Je dois m'habiller maintenant, car il est tard. Debo vestirme ahora porque es tarde. Debo vestirme ahora porque es tarde.